good boy, on va mettre ça à ta faya. Ouais, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Boy, ouais, gars. J'apprécie de te voir bouger sur la dancehall. Boy, lève ta main pour mettre ça au fichard. À ta faya. À ta faya bonne, sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça détonne. À ta faya bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. À ta faille bonne sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça t'étonne. À ta faille bonne sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. Il paraît que t'es le massif voudrait jumper. Je fais la bonne musique que ça soit raga ou reggae. Justement ce soir on a la solution. Pour mettre toutes les personnes ici en ébullition. Il suffit d'un micro, d'un chanteur au niveau. Les calés, les route boys se rapprochent à devenir chaud. On fait ça au top top, on fait les capoulops. Et tous nos frères on les big up. Right. À ta faille bonne sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça détonne. À ta faille bonne sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. À ta faille bonne sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça t'étonne. À ta faille bonne sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. Mais ça fait bla bla pour tous les massifs présents ici. Bla bla pour tous les youths des cities. Bla bla pour ceux présents dans la partie. Bla bla pour ceux qui nous soutiennent, merci. Respect et unité. Dans les 100 systèmes, on continuera de le chanter. Respect et unité, c'est notre emblème, on continue de le représenter. À ta faille bonne, sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère que la track ça détonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça détonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan Panama qui cartonne. Tous les jours c'est la musique qui règne ici, alors je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas qu'on mette la dance soul fire. À ta faille bonne, on te l'a déjà répété sans fin, c'est pour ça qu'on mashup les bambou plates comme toi. Fire, fire, sur ce qui nous empêche d'avancer. Fire, fire, on continue de vous faire jumper. C'est pour les man et les women qui kiffent danser. Sans la bonne musique, que ça soit raga ou reggae. À ta faille bonne, sur le microphone je ami, on donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça détonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça t'étonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. J'apprécie de te voir bouger sur la dancehall. Boy, lève ta main pour mettre ça au fichage. On esquive les plans couchage. C'est leur routine dramatique qui chante sur l'instrumental. Tous les soundboys mettent les voiles. C'est le rutinal qui bat qui chante sur l'instrumental. À ta faille bonne, sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça détonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne l'ensemble au maximum, j'espère pas que ça détonne. À ta faille bonne, sur le microphone je donne des lyrics qui détonnent, c'est le brand d'Avan qui cartonne. J'apprécie de te voir bouger sur la dancehall. Boy, lève ta main pour mettre ça au